Chapitre 2e, les courses. Cependant, des héros vêtus de longues tuniques voltigent à cheval devant les gradins et annoncent que la lutte va commencer. Un frémissement de joie parcourt la foule turbulente et chacun penche avec avidité sa tête du côté des carcères. L'empereur jette au milieu de l'arène un voile de pourpre. À ce signe, les trompettes et les buccins éclatent en fanfare sonore et quatre chevaux, magnifiquement carapaçonnés, la crinière tressée et parée de bandelettes d'or, s'élance dans la carrière. Les conducteurs sont vêtus d'une tunique courte, dont la couleur varie selon la faction à laquelle ils appartiennent. La première est verte, elle représente le printemps. La deuxième rouge, c'est l'été. La troisième bleue, c'est l'automne. La quatrième blanche, c'est l'hiver. Leur main droite tient un fouet à manche d'ivoire sculpté. Ils s'arrêtent devant une chaîne retenue par deux statues de Mercure, tandis que les héros proclament les noms des écuyers et des chevaux qui secouent la tête en jetant l'écume et frappent du pied la terre. 9 fois cette course succède et 9 fois elle provoque le même enthousiasme et la même émotion. La 10e course, qui doit terminer les jeux, excite cependant, d'une manière plus vive, la curiosité inquiète ou intéressée des spectateurs. Le noble Vélox va paraître dans la lice avec le cheval de Junius. Stella et Aquila, appelés à la même lutte et plusieurs fois vainqueurs dans les jeux précédents, promettent des concurrents redoutables. Ceux-ci appartiennent l'un à l'opulent Fabius Persicus, l'autre au sénateur Nonus Asprenas. Des trépignements sauvages accueillent l'entrée des 4 émules dans la carrière. Vélox est monté par le fameux Eutyque de la faction verte, Stella par Corax de la faction rouge, Aquila par son propre maître qui a revêtu une tunique bleue. Il n'était pas rare alors de voir un sénateur descendre dans l'arène pour lutter avec des cochers ou des gladiateurs. C'était le bon plaisir de l'empereur. Le cheval de Junius, enfin, a pour conducteur un homme inconnu comme lui. Sa tunique blanche fait ressortir, sous une chevelure d'ébène, une face bronzée par le soleil de l'Asie. En passant devant cet écuyer, le héros annonce Colani, monté par Sakal. De ces coursiers illustres, il eût été difficile au premier abord de décider lequel l'emportait en vigueur et en beauté. Vélox, à la robe alzane, levait fièrement sa tête ornée d'une épaisse et blonde crinière. Son œil lançait la flamme, sa main sans quelure, ses jambes fines, ses formes arrondies décelaient une origine persane croisée de sang thessalien. Stella, noire comme le jais, portait au milieu de sa tête élégante une étoile blanche, signe d'heureux augure. Sa robe sans tache miroitait à la lumière. Il avait une haute taille et ses jambes étaient plantées avec une admirable régularité. Aquila, de couleur baie, se distinguait par une épaule longue, plate et couchée sur le corps, indice certain de grande vitesse, tandis que la ligne des reins se dessinait large et bien suivie. C'était le coursier grec, dans toute la justesse de ses aplombs. Pour Colani, il appartenait à une race connue, mais non admirée encore des peuples de l'Occident. Petronius, lors d'un de ses voyages dans l'Arabie pétrée, région peu explorée, l'avait ravi à prix d'or à une tribu nomade, puis il l'avait fait conduire à Rome à bord d'un navire cypriote et sous la garde de Sakal, esclave syrien, pour Junius, le plus jeune et le plus cher de ses enfants. Colani n'avait qu'une taille médiocre et des formes sèches et anguleuses, mais son garrot était élevé, sa robe d'un blanc argenté recouvrait les proportions les plus harmonieuses. Sous sa peau fine et soyeuse se dessinait le réseau de ses nerfs et de ses veines riches d'un sang généreux. Sa longue crinière effleura le sol, son vaste front décelait l'intelligence et de son œil étincelant jaillissait à travers un regard ami le feu de la puissance. Docile comme le chien, sa froideur au repos devait inspirer peu de confiance aux spectateurs habitués à la bouillante impatience des chevaux du cirque. À sa vue, l'empereur et ses courtisans ne purent maîtriser un mouvement d'admiration. Néanmoins, cette apparence d'une faible construction, ce calme peu habituel, rassurèrent Caius Caligula. « Voilà, dit-il, un cheval qui ne manque pas de beauté. Mais j'en atteste Épone elle-même. Ce joli marbre a les vertus du placide Terme et non les ailes de l'infatigable Pégase. » Mais la chaîne se rompt et le sable vole dans l'espace sous les battues précipitées des sabots sonores. Stella, dès le premier tour, a devancé ses rivaux. Aquila le suit à une distance de tête seulement et semble devoir bientôt marcher de front avec lui. En écuyer habile, Eutyque ménage les forces de Vélox qui vient en troisième ligne. Derrière lui, enfin, Colani, plus modéré dans son allure, paraît craindre de déployer trop de vigueur. Mais à peine le premier dauphin a-t-il disparu, que la scène change d'aspect. Vélox n'est pas contraint par la pression de son mors blanchi d'écume. Il s'anime, ses beaux membres s'allongent, et dès la seconde révolution, il dépasse ce qu'il a, fait un nouvel effort, et se trouve en avant de Stella de la longueur d'un cheval. Les partisans de la faction verte et de Vélox applaudissent et encouragent Tic du geste et de la voix. Celui-ci gagne sans cesse du terrain, et la victoire ne paraît pas douteuse. Déjà l'empereur poursuivait Colani de ses sarcasmes, et la foule rit sans pitié de la défaite probable de l'enfant du désert. Sacal ne s'émeut pas de cette rumeur insolente. En s'approchant de Junius, qu'il voit en proie à une cruelle agitation, il le rassure d'un coup d'œil d'intelligence et fait entendre deux fois de suite le son sec que produit la langue en se détachant brusquement du palais. À cet appel connu, Colani dresse l'oreille, sa queue se relève comme un panache. Son œil jette l'éclair, et le voilà qui dévore l'espace avec une avidité toujours croissante. Bientôt ce n'est plus un cheval qui mesure l'arène, c'est un être fantastique aussi vite que le vol de l'aigle, aussi impétueux que l'ouragan. En rasant la borne pour la troisième fois, il atteint Vélox. De la raillerie, la multitude passe aux cris d'admiration les plus frénétiques, et l'empereur, saisi de colère, stimule et menace Tic consterné. Celui-ci presse de plus en plus les flancs de son vigoureux coursier et parvient, en le maintenant du côté de l'épine, à suivre Colani pendant une demi-révolution. Puis, tout à coup, en tournant vers les carcères, il laboure les reins de Vélox d'un violent coup de fouet, et par un suprême effort, joignant la ruse à l'énergie, il se rapproche de Sacal. Dans le bond qu'il provoque ainsi, il lui imprime de son genou un choc violent au-dessus de la cuisse, et cédant de la main droite, le précipite à terre. Soudain, le fidèle Colani s'arrête. Sacal se relève avec la promptitude de la pensée, saisit à la crinière son vaillant coursier, s'élance sur son dos, et quoiqu'il ait perdu par cette chute l'espace d'une longueur de cirque, et qu'il se trouve en dernière ligne, il répète son appel de langue, recommence avec furie son magique entraînement, distance Stella et Aquila comme la flèche ailée devance le javelot, atteint Vélox au moment où le cinquième dauphin disparaît, et le laisse en arrière de près d'une demi-révolution quand s'abaisse le sixième. À ce coup de théâtre, la joie de la foule tient du délire. Les seuls partisans des factions auxquelles échappe la victoire murmurent contre le destin. L'empereur, qui avait applaudi bruyamment la supercherie déloyale de Tic, fait entendre des imprécations et des accents de rage. « Peuple imbécile » hurle-t-il en promenant sur l'assemblée son œil en courroux. « Pourquoi n'as-tu pas une seule tête, que je puisse la faire abattre d'un seul coup ?»« Quel mauvais génie » ajoute-t-il, « m'enlève mon triomphe, ingrat Jupiter. Tu es jaloux de ma gloire. » Et tu excites toi-même cet ennemi qui a fait naître ton envie. Mais je ne supporterai pas que tu ris dans l'Olympe de ton succès contre moi, moi, l'égal des immortels. » Et au moment où Colani passe devant sa loge, il lui lance avec force son trident d'airain. Le lourd projectile arrive trop tard et va se briser contre le piédestal de la statue du roi des dieux. « C'en est fait, » s'écrie Caius, la fureur dans l'âme. « Je suis vaincu, mais j'en jure par les cendres de mon père Germanicus, que ce cheval m'appartiendra. » Et il sort brusquement du cirque pour ne pas assister à l'ovation de Colani, qui s'arrête haletant à la borne au moment où ses rivaux blancs d'écume venaient à peine de l'atteindre pour la sixième fois. Quelques-uns des spectateurs envahissent l'enceinte par les issues réservées, arrachent sa cale à son coursier et le portent en triomphe vers l'édile qui le couronne, tandis que la foule, indulgente pour Corax et Aspronas, accompagne de ses huées eutiques, moins honteux de sa défaite que de sa ruse odieuse qui double la victoire de son adversaire. Le soir même de cette journée, Junius recevait les 150 000 sesterces pris de son enjeu. Mais au moment où, renfermé dans sa maison des Esquilies, il se réjouissait avec ses amis sans songer à fléchir la colère de César, un centurion lui apporta un ordre d'exil pour le gouvernement de son père. En même temps, Colani et Sacal, saisis par des soldats de la garde germaine, entrèrent dans les écuries de l'empereur. Il m'est doux de faire des heureux, avait dit le tyran en donnant cet ordre inique. Il doit tarder au fils de rendre grâce au père qui lui a fait présent d'un tel cheval, et au père de féliciter son fils d'avoir triomphé de l'empereur. Et comme la franchie Caliste, émue en faveur de Junius, osait représenter à Caligula qu'il lui envoya au moins la valeur de Sacal et de Colani, je lui ôte son cheval et lui rends son père. Ne suis-je pas bien généreux? Avait-il répondu. Dès ce jour, il donna au cheval, fruit de son rapt, une garde d'honneur, et prétendant que le nom barbare qu'on lui avait imposé ne convenait pas à un animal inspiré par le souffle divin, il l'appela Incitatus.